passé, t'en vas pas. Il faut donner à ton cœur le temps de pleurer. Il faut donner le temps de l'oubli et rester. Le chemin est si long, t'en vas pas. Le ravin si profond, t'en vas pas. Tu ne peux pas oublier le temps qui laissait entre nos bras des gerbes fleuries et l'été. Avec tes 20 ans, avec ton printemps, tu te ris de moi. Toi, si tu t'en allais, je te haïrais, c'est vrai, mais pourtant. Le jour va se lever, t'en vas pas. Toi qui m'as tout donné, t'en vas pas. Si tu partais, le son de ma voix te suivrait. Où que tu sois, il te dirait je t'aimais. Une dernière fois, t'en vas pas. Le chemin est si froid. Il nous reste tant de présent. Reste en mes bras, l'amour viendra. T'en vas pas, t'en vas pas, t'en vas pas.